Verbe de déplacement. First, I'll read the infinitive and then the example sentence. Allez. Vous allez jusqu'au feu de circulation. Suivre. Suivez ce corridor jusqu'au bout. Continuez. Continuez tout droit. Passez. Vous passez deux coins de rue. Traversez. Traversez le boulevard. Prendre. Prenez cette rue jusqu'au bout. Tournez. Tournez à droite. Virez. Virez à droite. Revirez. Sortir. Vous sortez de l'ascenseur. Entrez. Vous entrez par la porte centrale. Rentrez. Vous rentrez dans la bâtisse. Partir. Vous partez de la gare. Arriver. Vous arrivez au coin de la rue. Monter. Vous montez l'escalier. Descendre. Vous descendez la côte.